Chapitre 34e, le fond du sac. Pendant que Paulin Broquet et Miss Eden, ayant retrouvé leur darling, reprenaient leur vie de bonheur, les mois s'écoulaient. Depuis longtemps, bouche en cœur, l'illustre Perpignan purgeait sa peine dans la maison de détention, un de ses palais nationaux où l'État héberge les bandits. Madame Dubois continuait sa vie de petite rentière des Batignolles. Mais un jour, Madame Dubois fut prise de terreur, d'effroi. Cette vie de petite rentière, très agréable en somme, ne pouvait durer que si les billets bleus ne s'épuisaient pas. On appelle revenu ce qui se renouvelle, ce qui revient régulièrement. Or, chez la belle bourbonnaise, ce qui sortait ne revenait pas. Si bien qu'un jour, elle aperçut le fond de sa cassette et constata avec angoisse qu'elle ne pourrait plus longtemps mener cette petite existence si agréable. Ah, le calorique qu'elle absorbait coûtait cher, autant sinon plus que les soins donnés à Paulette. Bref, la belle bourbonnaise se vit un matin acculée à la ruine, sous le coup d'une débâcle terrible. Bohème dans l'âme, bohème par tempérament, la belle bourbonnaise ne croyait pas que ce moment dût arriver. N'ayant jamais possédé d'argent, quand elle se vit en main quelques billets de 1000 francs, elle pensa que cette fortune ne pouvait pas finir. La réalité fut douloureuse. Que faire maintenant? D'où tirer? De quoi vivre? Grave problème. Si encore, se disait-elle, j'avais de quoi attendre la sortie de Perpignan, tout s'arrangerait. Mais non. Elle n'eut bientôt en sa possession que de quoi vivre encore quelques semaines, un mois, deux au plus, puis elle n'aurait plus le sou. Il va falloir, songea-t-elle, que je redevienne artiste. Tout d'abord, elle voulut reculer le plus possible ce moment fatal en essayant de faire des économies. Au bonne commère, elle annonça que pour la santé de son enfant, elle allait changer d'air, entreprendre un voyage, se rendre dans une ville d'eau, peut-être dans une montagne, elle verrait ça. Pour le moment, elle donna congé de son appartement. Elle vendit ses meubles. Le peu qu'elle tira de cette liquidation fut ajouté à ce qui restait. « Ça nous aidera à aller un peu plus loin, » pensa-t-elle. La belle bourbonnaise prit rapidement son parti de la situation nouvelle. Habituée à cette vie de misère, au jour le jour, elle ne trouvait pas extraordinaire d'y revenir. « Bah, » dit-elle, « je me tirerai d'affaire en attendant la fin de la villégiature de mon bouche en cœur. » Cependant, elle redoutait toujours les recherches de la police. Le compte-rendu des débats de l'affaire de la tilleuse lui apprit en effet qu'on espérait arriver à découvrir tôt ou tard la mystérieuse paysanne qui avait emporté la fille de Madeleine. La belle bourbonnaise pensa que si on arrivait à retrouver sa piste, il lui en cuirait, qu'elle serait fatalement condamnée. Il lui fallait donc déjouer toutes les recherches. Tant que la belle bourbonnaise fut la bonne Mame d'Urbois, rentière, la petite rentière des Batignolles, ce lui fut facile, vraiment. Pour reconnaître en cette bonne femme tranquille, paisible, soignant avec un tel dévouement sa petite fille, ce que pensaient les gamins du square des Batignolles et ce que répétèrent souvent les commères en voyant Chiffon, lui revint à propos à la mémoire, on dirait un garçon. La belle bourbonnaise conclut, c'est un moyen de ne plus me déguiser, de me rendre méconnaissable, de dépister la curiosité de la police. Elle résolut donc, puisque Chiffon ressemblait à un garçon, de la présenter comme garçon où elle irait désormais. Elle acheta un costume de garçonnet et le jour où elle se risqua à quitter son appartement, elle le fit endosser à Paulette par-dessus son costume de fillette. Paulette, sans volonté, sans idée, se laissait faire, obéissait, n'ayant ni la pensée ni la force de s'étonner. Ainsi, cette bonne Mame Dubois put quitter la rue Nollet, abandonner les Batignolles, emportant la considération unanime du quartier, l'estime des commères ayant pris chez elle quantité de petits grands verres et les regrets des marchands du voisinage, des licoristes principalement. « Vous nous écrirez, » lui dit-on. « Faudra nous donner de vos nouvelles, nous dire comment va l'apport au chiffon. » Mame Dubois promit tout ce qu'on voulut. Ayant serré une dernière fois les mains affectueuses qui se tendaient vers elle, elle donna l'ordre au cocher de la conduire à la gare du Nord. En chemin, elle enleva à Paulette sa jupe de fillette, lui laissa seulement son grand manteau par-dessus son costume de petit garçon. La belle bourbonnaise gagna la Belgique, qu'elle connaissait déjà pour commencer sa vie nouvelle. Bien entendu, elle n'avait eu garde d'oublier à Paris sa précieuse cassette, qu'elle portait toujours sous ses jupes dans sa poche entrepôt. Cette cassette, nous le savons, prise à la tilleuse, contenait des papiers, des documents, dont la belle bourbonnaise soupçonnait la valeur et le profit qu'elle pourrait en tirer plus tard. Elle emportait aussi le médaillon renfermant le portrait de Paulette enfant, de sa mère, et de tous les objets qui, appuyant ces documents, permettaient d'établir de façon indiscutable l'identité de Paulette, fille de Madeleine et du comte Armand de Saint-Rion. « C'est peut-être là qu'est notre fortune », avait-elle pensé dès le premier jour. « Je verrai ça avec l'illustre Perpignan. » Elle trouva moyen, allant de ville en ville, de village en village, de chanter ses romans sentimentales dans quelques cabarets à musique d'ordre infime, dont les clients frustes se contentaient de peu et que la bière et l'alcool rendaient sensibles aux moindres fadaises musicales. Puis, ayant vécu en Belgique tant bien que mal de son art et s'étant confectionné une sorte d'état civil nouveau avec des papiers de location de logement, des bulletins d'engagement artistique et autres, quand elle ne trouva plus que difficilement à faire valoir son talent à l'étranger, elle revint en France par petites étapes, comme autrefois du temps de bouche en cœur l'illustre Perpignan. Plus d'une fois, faute d'argent, elle dut faire la route à pied. Chiffon l'accompagnait toujours. Cette vie errante, ses courses au grand air sur les chemins, ce fut peut-être ce qui sauva définitivement l'enfant. Elle reprenait lentement, oh bien lentement, ses forces, mais elle restait toujours longue, toujours mince, toujours pâle. La belle bourbonnaise continuait à lui couper les cheveux, à faire d'elle un garçonnet. Maintenant, elle lui apprenait à chanter ses romances. Parfois, dans le jour, Chiffon paraissait sur l'estrade et docile, inconsciente presque, de même que celle qu'elle appelait sincèrement grand-mère. Elle chantait devant les buveurs une romance sous les petits oiseaux. Le ruisseau qui murmure se mêlait au bruit de la ramure et aux chansons des blés d'or. Les gros sous tombaient de rue dans la séville du pauvret dont tout le monde avait pitié. Ainsi la vie s'écoulait pour la belle bourbonnaise et la pauvre Paulette, pour l'infortuné Chiffon. Paulette, qu'on chérissait tant, qu'on choyait, pour qui la vie s'était ouverte si rose, si tendre, si douce, s'en allait maintenant par les grands chemins, de village en village, comme une fille de bohémien, comme un enfant de cheminot, mendiante, chanteuse des rues, Paulette mendiait. Car le plus souvent c'était à la porte des cafés, des auberges et dans les cours, que la belle bourbonnaise trouva à utiliser ses talents, à exploiter la débilité apitoyante, la pâleur, la maigre souffreteuse de Chiffon, de celle qui avait été la jolie Paulette. L'enfant et la grand-mère bizarre vivaient uniquement des sous qu'on jetait. Paulette ne mangeait que quand elle en avait assez ramassé à terre, dans la poussière, dans la boue ou dans la neige, que fouillaient avidement ses petits doigts glacés.